discipline, qu'elle soit l'archéologie ou autre, ou toute discipline des sciences dures, doit faire son autocritique périodiquement, être capable d'analyser les autorités. Alors vous allez voir pourquoi le thème de l'autorité, authority, c'est-à-dire quel droit j'ai de conclure, quelle autorité, moi qui suis allé chez les Barouillas, j'ai le droit, quelle autorité j'ai quand je parle des Barouillas. Plutôt qu'un cinéaste, plutôt qu'un poète, plutôt qu'un Barouilla qui parlerait lui-même, etc. C'est le statut de l'autorité scientifique, ce qui est un problème essentiel. Donc, vous devez passer du thème de la réflexivité au terme de l'autorité, c'est-à-dire... Bon, alors, la position des postmodernistes, c'est que... attendez, je vous donne ce que j'appelle les points d'attache positifs, mais les réponses ne sont pas forcément celles que vous attendez. La position postmoderniste la plus extrême, c'est celle d'un homme qui reste isolé parmi les postmodernistes américains, qui s'appelle Stephen Tyler, T-Y-L-E-R, Stephen Tyler, qui est un linguiste au départ, anthropologue, enfin bref, qui a été à l'origine autrefois d'un numéro spécial il y a 20 ans de l'American Anthropologist, un numéro spécial énorme sur Symbolic Anthropology, donc l'anthropologie symbolique. Et à l'époque, je l'ai connu, et c'était un grand formaliste en linguistique et on peut dire en anthropologie. Donc c'était des démonstrations formelles, des enchaînements formels. Il n'y avait pas beaucoup de contenu de terrain dedans. Donc je vous parle. Mais lui, sa position, c'est tout à fait extrême parce qu'à la réponse ethnographique authority, il répond pas d'autorité. C'est-à-dire la narration, le narrative, la narration construite par un anthropologue n'a pas plus d'autorité qu'une autre pour parler de ce dont il parle. Donc il n'y a pas d'autorité scientifique particulière. C'est un discours. Et à ce moment-là, pour justifier ceci, et écoutez bien, et la formule elle est reprise par Marcus, Georges Marcus, donc un des éponymes du postmodernisme en 1986. Plusieurs livres sortent, 86, 88, 90. Aujourd'hui, les choses continuent, mais ça s'efface de plus en plus. Et donc, dans une formule qui était tout à fait provocatrice et intéressante, Marcus a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un livre d'anthropologie ? C'est un discours où deux personnes sont complices pour écrire des fictions. L'informateur et l'ethnologue. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un récit d'anthropologue ? C'est la complicité de deux personnes qui écrivent en commun des fictions, sur eux-mêmes ou sur n'importe quoi. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, bon. Alors, ça a été repris, il faut que vous compreniez des certaines choses quand même assez compliquées. C'est, par exemple, pourquoi aux États-Unis, l'anthropologie est de plus en plus, à partir d'un moment, dans certains courants, s'est transformé presque en literary studies ou cultural studies. Pourquoi ? Parce que l'anthropologie, ce n'était pas le terrain, c'était des textes écrits par les anthropologues sur le terrain. Vous comprenez ? Et donc, la seule question pour les anthropologues de génération nouvelle, c'était d'analyser les textes comme si c'était des textes littéraires, sans référence au monde extérieur qu'ils voulaient décrire. C'est-à-dire des vrais textes fictifs, des fictions. Donc l'anthropologie est écartée comme une discipline scientifique et à l'entrée dans les disciplines poétiques. Voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu aux États-Unis une rencontre entre un philosophe que vous connaissez, Jacques Derrida, et un philosophe américain d'origine belge, ils sont devenus très amis, Paul de Man. Or, Paul de Mans, si vous voulez, dit ceci, il n'y a rien, et ce que dit d'ailleurs Derrida dans un texte célèbre, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'hors-texte. Écoutez bien, rien n'existe hors le texte, il n'y a pas d'hors-texte. Et Paul de Mans disait, il n'y a pas de référence dans un texte à autre chose qu'à d'autres textes. Les textes qui le précèdent, les textes qui vont le suivre. Donc il y a la coupure complète de la question de la vérité. La question, est-ce que ce que vous écrivez correspond à des réalités extérieures à vous-même que vous avez observées ? C'est la référence. C'est là, il n'y a pas de référence sauf de texte à texte. Mais comme les textes parlent des barouillards pour Godelier, voilà. Donc on est arrivé, si vous voulez, à une situation où c'était des jeux littéraires. Un texte se référait à d'autres textes, il n'y avait pas de référent qui pourrait arbitrer entre les textes. Le référent serait la réalité des barouillards observée, etc., construite et tout. D'où la question des méthodes. Question méthode, comment vous avez observé sur le terrain, comment vous avez transformé vos notes de terrain en un beau livre, quel droit vous avez de conclure, etc. Donc, ce sont des interrogations critiques. Les réponses mènent, si vous voulez, à un monde complètement séparé, à une de les pratiques que nous avons eues, nous, pendant des années. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous dire, parce que l'idée de critiquer les représentations d'autrui, c'est une nécessité. L'idée de mettre en cause l'anthropologie parce qu'elle a été liée au colonialisme occidental, c'est juste. En quoi un observateur européen en Afrique a pu déformer ce qu'il observait du fait de ses présupposés. Donc, en quoi était-il capable de prendre critique et distance par rapport à sa culture et à ses présupposés, surtout si l'occidental, qu'on accuse d'ailleurs, d'être arrivé avec l'idée que civiliser, c'était coloniser. C'est-à-dire que coloniser, c'était apporter la civilisation. Donc, un présupposé, une violence extrême. Pourquoi ? Pourquoi violence extrême ? Parce que coloniser, c'est opérer deux choses immédiates. Priver la société locale de sa souveraineté sur elle-même et priver cette société de son autonomie culturelle. C'est-à-dire de la capacité de se développer comme elle le veut, de produire un sens pour la vie, etc. Donc, il ne faut pas nier que les anthropologues travaillaient dans des situations coloniales la plupart du temps, est-ce qu'ils étaient complices des deux opérations que je viens de vous dire, parce qu'il ne faut pas rigoler sur ces opérations, elles sont fondamentales. Le soir même où Jim Sinclair est arrivé chez les Barouillas, le jeune patrol officer, le premier blanc arrivant avec une colonne de soldats et de porteurs, ce premier soir, les Barouillas avaient commencé à perdre leur souveraineté sur leur territoire. Complètement. Donc il y a un rapport de violence extraordinaire. Et ensuite, la deuxième agression qui est très forte, en tout cas en Océanie, en Afrique, etc. Attention, on n'est pas seulement le fruit de l'Occident. C'est l'attaque massive, permanente, quotidienne des missionnaires contre les religions. C'est-à-dire, vos religions, ce sont des fausses religions, la nôtre est vraie. Perte complète de l'autonomie culturelle. Leur développement est contrôlé de l'extérieur, interdiction des cérémonies, interdiction des rites, sous prétexte qu'il y a des côtés sexuels ou obscènes pour un occidental, enfin bref, des tas de raisons, ou que ce n'est pas le vrai Dieu qui est adoré, c'est tout. Donc vous voyez l'extraordinaire violence que représentent des siècles de colonisation, qui s'appelait bien sûr civilisation, civilisée. Alors, civiliser les Barouillas et civiliser la Chine, ce n'est pas tout à fait pareil non plus. Ce n'est pas les mêmes rencontres, les mêmes sociétés. Et quand vous arrivez au Japon, le Japon s'est fermé à la colonisation. Hein. Et donc, ce n'est pas du tout la même réaction à l'arrivée de l'Occident. On a cantonné les missionnaires dans un port japonais et on leur a interdit de prêcher une autre religion. Ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des chrétiens, quand même. Mais il y a une volonté politique de ne pas se laisser déposséder de son autonomie culturelle. Ça, c'est tout à fait. C'est pareil pour la Chine aujourd'hui. C'est pareil pour le Vietnam communiste. Les catholiques sont considérés comme des agents de l'étranger. Pas comme des gens qui cultivent une autre religion, mais des gens qui sont soumis aux Français, quoi, qui apportaient leur religion, le catholicisme. On comprend après qu'ils ne réagissent pas du tout de la même façon à la liberté des cultes. Hein. Ce n'est pas pareil du tout. Hein. Alors donc, c'est cette mise en question qui met en question le regard qu'on a sur le terrain. Et maintenant, vous allez entendre l'écriture. Mais l'écriture est prise dans deux des thèmes que je viens de vous présenter. Premièrement, multivocality. Bon, c'est-à-dire, un anthropologue écrit un livre, et dans ce livre, les Baoya, les gens, ou les Nuers, ou les Chinois, ou je ne sais pas qui, ou les Sardes, ou n'importe, ils parlent. Et il parle à travers les citations que choisit d'insérer, s'il le veut, l'anthropologue. N'est-ce pas ? Donc, un courant postmoderniste américain demande que les livres ne soient pas écrits par les anthropologues seulement, mais écrits par plusieurs auteurs, dont un Baruya, deuxième Baruya, une femme Baruya, etc. Le départ de cette critique, c'était d'ailleurs James Clifford, qui a écrit un article en même temps que Marcus, qui est dans son livre « Writing Culture ». Clifford prend le livre d'un anthropologue très connu à Oxford, qui est mort maintenant, Gottfried Linnart, qui avait écrit un livre qui s'appelait « The Dinka »,« Religion of the Dinka ». Et James Clifford n'a pas de mal a montré que sur un livre de 300 pages consacré à une société africaine d'éleveurs de troupeaux, hein, les Dinka, comme les Maasai et comme d'autres peuples nomades éleveurs, sur 300 pages, parlant de la religion, du rôle du bétail dans les sacrifices, il y a trois lignes où une femme parle. Il y a donc 300 pages moins 3 lignes où ce sont des hommes d'Inca qui parlent. C'est-à-dire que l'anthropologue n'a écouté que des hommes, il n'a sur l'élevage des animaux et les sacrifices que d'un point de vue masculin. The voice of women was suppressed. La voix des femmes était supprimée. Sauf pour qu'une femme dise que le bétail, c'est l'affaire des hommes, ce qui était évidemment, ça, c'était évident. Donc, il aurait pu se passer de dire ça. Donc ça veut dire que l'anthropologue n'avait écouté qu'une partie de la société, il n'avait été que la voix de cette société, et son analyse reportée sur... Donc l'idée, c'est aussi que... Alors maintenant, j'arrive à... On est tous d'accord. On est tous d'accord que l'anthropologie et l'histoire, puisqu'il faut associer ces deux sciences et... Les anthropologues ont une chance, c'est que les gens qu'ils observent sont vivants, tandis que les historiens ont la malchance d'étudier que des morts qui ne parleront jamais, et qu'en plus on étudie que des textes qui sont restés et qui sont écrits souvent par une partie de la société. Les officiers, les officiers au sens anglais, office, ceux qui ont des offices, ceux qui ont des charges dans la société, qui sont des lettrés, écrivent sur les paysans qui n'écrivaient pas. Donc les historiens sont plus... encore concerné par la critique postmoderniste, qui n'est pas postmoderniste, qui est au départ l'incomplétude du document. L'incomplétude du document. Et l'idée de faire parler toutes les voix est fondamentale. Et d'ailleurs, l'anthropologie a le mérite d'écouter les gens, et même de les faire parler. En évitant d'ailleurs de comme je viens de lire cette semaine un livre que je vais préfacer qui va sortir à nouveau de Sally Price, qui s'appelle, qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Art primitif, regard civilisé, un livre publié autrefois à l'école des Beaux-Arts, et qui est remarquable aux États-Unis, mais que personne n'a lu en France. Et finalement, on va le ressortir. Et c'est un petit livre que vous pourrez avoir dans quelques temps. C'est tout à fait remarquable. Elle étudie le statut des objets dits primitifs dans les musées, le traitement que font de ces mêmes objets les conservateurs de musées, les collectionneurs privés d'objets et les anthropophages, enfin les anthropologues, et la contradiction profonde entre les conservateurs qui traitent les objets comme des œuvres d'art où il ne faut rien dire sur la société et qui se réjouissent que les Africains ne signent pas leurs œuvres parce que c'est eux qui peuvent parler à leur place, que tous ces sauvages font des œuvres sans savoir ce que c'est que la théorie de l'esthétique, tandis que, bien sûr, les grands collectionneurs français ou américains savent mieux que les Africains pour la beauté d'une œuvre africaine. Et donc, les conservateurs et les collectionneurs sont bien mieux placés que les Africains pour parler de la beauté des objets africains. Et puis, en plus, quand les objets sont dans un musée d'ethnographie, ça ennuie tout le monde parce qu'on lui apprend à quoi servait l'objet. Alors que ce qu'il faut, c'est pas savoir à quoi sert l'objet, mais voir sa beauté éternelle et universelle, l'universalité du goût. Bien. Alors lisez ça, il y en a 200 pages, remarquables. Elle a interviewé quelques collectionneurs français célèbres, dont elle ne donne pas les noms, mais que moi j'ai retrouvé assez facilement. Quelques conservateurs du Metropolitan Museum of New York, etc. Elle redonne des photographies de journaux américains présentant dans le New York Times, New York Tribune et tout ça, les grandes expositions de l'art primitif depuis 20 ans aux États-Unis. Vous allez voir ce que c'est que le discours sur la grandeur des primitifs. Hein, le bouquin ? Alors ça s'appelle, mais vous le trouverez seulement en bibliothèque, mais il va être réédité dans 2-3 mois, et je dois écrire la préface cette semaine. Donc. Mais si vous le trouvez en bibliothèque ou chez un marchand, sur un marchand quelconque, peut-être sur les quais, ça s'appelle « Art primitif, regard au pluriel civilisé ». Et c'est vraiment bien fait. Vraiment, il y a 20 ans, cette jeune femme, qui n'a plus 20 ans maintenant, elle a été interviewée tous les acteurs, elle les laisse parler, et le tableau de la vision impériale de l'Occident, qui sait ce que c'est que l'art, même à la place des autres, elle a évidemment aussi le choix des collectionneurs. Quand un objet, par exemple, elle note, moi j'aurais pas pu le, comme homme, là j'avais un problème peut-être. Elle montre que les collectionneurs privés qui mettent des millions de dollars, hein, quand c'est des arts africains et océaniens, ils aiment bien des sculptures où il y a un beau sexe mâle, un beau phallus. Ça c'est bon parce que les primitifs sont plus près de la nature, ils ont leurs instincts. Ils sont plus près des instincts, ils n'ont pas été civilisés, donc ils sont plus spontanés avec leur sexe, un beau sexe. Mais les mêmes collectionneurs n'achètent pas les sculptures africaines si c'est une femme et qu'on voit sa vulve. Donc la vulve intéresse moins du point de vue économique, et collectionneurs, une vulve, ça intéresse moins qu'un phallus. C'est quand même intéressant, non ? Ça, je n'avais pas noté, et moi j'ai bien aimé cette remarque, à la fête parce que les femmes, donc moi j'aurais pas vu que, bon je connais quelques sculptures qui sont au Louvre, qui sont des matériaux, alors les femmes elles vont être sculptées et appréciées quand c'est une maternité. Alors là, une femme sculptée africaine avec un bébé dans les bras et un sein énorme, maternité, motherhood, ça c'est superbe. Mais si elle est un peu dévergondée avec son sexe apparent, ça s'achète moins bien. Ou alors, c'est des spécialistes très spécialisés. Donc bon, lisez le bouquin, ça va sortir, vous allez voir. Et c'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. Sally, S-A-2-L-Y, Price. Et Sally Price et Richard Price, son mari, ont vécu pendant, alors c'est fabuleux, ils ont vécu pendant longtemps chez ce qu'on appelle les nègres marrons. Vous savez, les nègres marrons, c'est donc les fameux esclaves noirs du Suriname et de Guyane. Suriname, donc, c'était colonie hollandaise, hein, d'Amérique du Sud. Guyane, colonie française. Et au XVIIIe siècle, beaucoup d'esclaves noirs se sont échappés. Et au XIXe siècle. Et ils ont reconstitué, c'est fabuleux parce que c'est 6 tribus africaines, alors qu'ils provenaient de régions différentes. Donc ils ont réinventé un mode de vie tribal qui continue jusqu'à aujourd'hui. 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et le problème des langues qu'ils parlent est très très intéressant. Ils se sont remis à faire de la chasse, de la cueillette, de la pêche, de l'agriculture. Et ils sont fabuleux pour créer des œuvres d'art. Hein, des œuvres d'art. Ils sculptent leur calebasse. Ils ont inventé des tissus qui sont... Alors le coup qu'avaient fait les Américains, c'est de présenter au Metropolitan Museum un patchwork superbe, un manteau de ces gens-là, avec des couleurs, et le titre, je l'ai en anglais, c'est « Do you think it is from Mondrian ?» Donc, no, it is not. It is from the primitive Bush Negroes of Suriname. Donc, on les appelle les Bush Negroes, les Noirs de la forêt, pour être poli d'ailleurs. Hein. Et donc, ils avaient montré que, quand même, parfois, des nègres font aussi bien que Mondrian. Ils n'avaient pas pensé que c'est Mondrian qui pouvait faire aussi bien que. Alors, c'est. Vous allez avoir tout ça. Malheureusement, ce que je vais dire à Sally, peut-être je vais dire aussi aux éditeurs qui veulent vraiment le publier, j'en suis content, mais si elle avait osé mettre plus d'illustrations, mais ça coûte plus cher, on aurait eu un livre extraordinaire, avec tout ça, les extraits de presse américaine, les photos, tout ça. Et aussi, d'ailleurs, elle raconte que pendant à peu près 15 années, dans un très grand musée américain qui s'intéresse aux arts primitifs, bien sûr, on avait suspendu une porte d'Ogon, mais à l'envers, et en disant c'est une fenêtre. A beautiful Dogon window from, etc. Donc un jour, il y a quand même quelqu'un qui dit, mais dites-moi, vous n'avez pas vu que c'est une porte d'Ogon Oh, well, it does not... Ça n'a pas d'importance, c'était aussi bien comme ça qu'autrement. Okay. Allez mettre une peinture de Picasso à l'envers, vous allez voir dans un musée les réactions du public et des critiques, etc. Mais ça n'a pas d'importance parce que, well, it was as good, you know, this side as the other side, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc vous voyez, c'est là que vous voyez que dans les arts, c'est-à-dire. L'opposition entre anthropologue et conservateur, que l'objet va être valorisé parce que œuvre d'art et non pas comme un objet culturel, parce que ça les emmerde, la culture, c'est trop plein de significations. Puis en plus, de toute façon, les Noirs sont plus proches des instincts, donc ils nous révèlent à nous-mêmes la part cachée que nous avons nous-mêmes. Alors, vous allez voir des pages entières qui sont un florilège, et je comprends ensuite la critique qu'il faut faire de tout ça. La critique, ça. Bon, James Clifford aussi s'était amusé, il n'avait pas tort, à reprendre les cahiers de Evans Pritchard, le grand Evans Pritchard, et à noter que Evans Pritchard, un jour, note qu'il est obligé de sortir de sa tente où il travaillait, comme moi, vous voyez, Maurice Godelier, avec des notes, parce qu'il y avait du bruit dehors. Bon, mais qu'est-ce que c'était le bruit ? Evans Pritchard, très très gentiment, écrit... C'est une expédition militaire britannique qui vient punir quelques nuaires qui ont fait des conneries, quoi. Donc, vous voyez que l'anthropologue britannique se retrouve là, rejoint par le pouvoir britannique qui veut mettre un peu d'ordre et qu'il n'en fait pas plus de commentaires. Oui, bah, oui, puis il fait pas de commentaires qu'il est en train de traiter de nuaires qui ont perdu leur souveraineté parce qu'ils ont dû voler du bétail et qu'on vient les punir, quoi. Une expédition punitive, quoi. Ça se dit quand même, un anthropologue peut le dire quand même, ces trucs-là. Donc il ne le faisait pas. Donc il y a, si vous voulez, ça, le postmodernisme a repris des discussions qui n'ont pas cessé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'effondrement des systèmes coloniaux et tout ça. Ils partent, si vous voulez, de points réels. Bon, maintenant, ils demandent d'écrire de façon tout à fait autrement. Writing culture, il faut ne plus écrire seul son livre, mais écrire à plusieurs le livre. Moi, je demande à Barouya si c'est écrire, ou je traduis tout ce qu'il va dire, et il va être co-auteur avec moi. Puis ensuite, je demanderai à un autre Barouya d'être co-auteur avec moi, puis ensuite une femme Barouya, plusieurs femmes Barouya, etc. Et on fera un polyphonique. On fera bon. C'est-à-dire que le dernier AAA s'est passé au mois de novembre, quand je suis allé aux États-Unis, en novembre-décembre. Je ne suis pas allé au AAA parce que ça fait 6 ans que je n'ai plus à ces trucs-là. Et c'était, on m'a rapporté, donc des gens qui connaissent bien, que c'était ceci, des séminaires et les femmes noires. Et en quoi consistait le séminaire ? Lire des déclarations de femmes noires, mais ne pas les interpréter, car les interpréter, c'est exercer une hégémonie sur l'autre. Donc c'est fini, c'est la fin de la théorie. Théoriser, c'est faire un acte hégémonique sur l'autre. Voilà. Donc c'est la liquidation du métier. La liquidation. Je me souviens, il y a quelques mois, l'année dernière, j'ai reçu un email très long d'un professeur américain, d'un ami, Borowski, qui me dit « Maurice, est-ce que tu peux commenter ce phénomène qui s'est passé à mon séminaire ? Nous voudrions avoir ton avis. » Bon, je dis « Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là ? » Alors le séminaire, c'était ceci. Une jeune américaine avait été partie, une jeune anthropologue était partie au Mexique. Elle avait fait du terrain dans un village, un pueblo, et elle avait pris des notes, et son intervention dans le séminaire, c'était voilà ce que disaient les femmes mexicaines du village de je ne sais quoi. Et dans la salle, il y avait une jeune anthropologue mexicaine qui lui a interdit de parler. Seulement une femme mexicaine peut parler des femmes mexicaines. Donc en consultation, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses, Maurice, de cette histoire ?» Parce que ça paralyse tout le système. Ben, je dis « D'abord, tu devais renvoyer la mexicaine chez elle. Si ?» Pour être formée par des professeurs mexicains, mais surtout qu'il n'y ait pas un professeur américain dans le département de Mexico. Parce que quand même, ça serait polluant. Ni autre chose. Et qu'ensuite, qu'elle n'ait plus le droit de parler en Amérique, puisque quand même, il n'y a que les Américains qui ont le droit de parler en Amérique, donc qu'elle ferme sa gueule. C'est tout. Il n'y avait rien à faire. Puisque tu n'as pas le droit de parler sur les autres, puisque tu ne peux pas... Donc, même une femme blanche ne peut pas parler d'une femme, parce qu'elle est mexicaine. Alors, un homme ne peut pas parler d'une femme, après. Et puis après, une femme mexicaine ne peut pas parler d'une femme noire, car seules les femmes noires peuvent parler des femmes noires et s'auto-analyser de façon... rationnel, non mais c'est pas sérieux. Quoi. C'est une régression totale. Régression totale. L'Occident est en train de pourrir par la tête, si vous estimez que l'Amérique est la tête de l'Occident. Ce que je ne crois pas, mais passons. Mais c'est une régression. C'est une totale régression. Parce que... Alors, par exemple, je vous donne ça parce que c'est exactement les commentaires. Motherhood. Maternité. Donc, un séminaire, dernier AAA américain, des jeunes femmes et que. Maternité. Bon, c'est bien d'étudier la maternité, hein, c'est bien. Et donc, la maternité, c'est des émotions, c'est un feeling, c'est un passage entre la mère et l'enfant. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est écouter les mères quand elles parlent de leurs enfants. Bon. Alors avec ça, vous allez très loin, hein, parce qu'en général, les mères s'occupent de leurs enfants, parfois bien, parfois mal. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que si vous allez au tableau et vous faites la famille américaine classique, hein, papa, maman, la bonne, ah non, et puis un enfant ici, si vous faites ça, et vous allez dans une société matrilinéaire, vous aurez un homme, une femme et un enfant. Mais l'enfant n'appartient pas à l'homme, il appartient à sa mère. Donc la structure du rapport de parenté pénètre dans la famille et donne un statut à la mère et à motherhood. Ils ne veulent pas reconnaître. Les structures, c'est imposer une réalité à la réalité. Donc, attention, la structure ne signifie pas qu'il y ait quelque chose de caché derrière les relations. Comprenez bien. Il n'y a rien de caché derrière des rapports sociaux. Hein. Les structures, ce n'est rien de caché derrière. C'est l'ordre du rapport. Ce n'est pas pareil. On a attaqué Lévi-Strauss en disant qu'il inventait des structures derrière les rapports sociaux. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il trouve, quand il fait l'analyse des structures élémentaires d'un système ou un autre système, c'est qu'il trouve la logique d'agencement. En allemand, le terme structure, au XIXe siècle, quand je lisais Das Kapital, c'était très... J'étais pas né au XIXe siècle, mais je lisais le texte. Et j'ai essayé pendant quelque temps de prendre tout le vocabulaire de Das Kapital, donc tout le vocabulaire de Marx quand il parlait des structures du capitalisme, etc. Et donc c'était très intéressant, parce que le mot structure est utilisé par Marx, le mot système, donc c'est très moderne comme vocabulaire. On n'a pas attendu Lévi-Strauss ni les linguistes. Mais quand on mettait ce qu'il y avait, écoutez bien, devant le terme structure, si on cherchait un équivalent du terme dans Marx, il y avait deux mots allemands qui étaient très intéressants, qui précisaient sa pensée. Le premier mot, c'était Gliederung, et en allemand, ça veut dire articulation des parties. Donc, quand Marx parlait de structure du capitalisme ou structure du rapport capital-travail, ce qu'il cherchait à mettre, c'était l'articulation. Et le deuxième terme allemand qu'il utilisait, qui est formidable, c'est Zusammenhang, et si vous voulez, ce qui se tient ensemble. Zusammenhang. Et en français, il y a un mot ancien qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui traduit un peu cette idée, c'est concaténation. La concaténation, c'est l'enchaînement, concatena, cadena, la chaîne. C'est-à-dire, c'est la structure, c'est ce qui enchaîne. Donc, dire qu'on est contre le structuralisme, on est contre peut-être les déclarations de Lévi-Strauss quand il se dit structuraliste et qu'il dit que tout s'explique par le cerveau, je ne sais pas quoi, sa philosophie, il est structuraliste. Mais quand il utilise... une méthode pour découvrir les structures d'un système de parenté particulier, ce qui montre, c'est l'articulation des parties du tout. C'est-à-dire, pourquoi ça fonctionne de cette façon. Il n'y a rien à dire contre le structuralisme. Comme méthode, on peut dire quelque chose sur Lévi-Strauss quand il déclare qu'il appartient au XVIIIe siècle, je ne sais pas quoi, qu'il a des idées sur le monde, le cosmos, l'origine des choses et tout ça. C'est structuraliste comme philosophie, mais comme méthode. On ne peut pas étudier une langue sans découvrir les rapports qu'il y a dans cette langue. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ignorer la grammaire qui permet des constructions significatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce débat? Alors, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas que dans cette logique que je vous dis ici, les cinq grands thèmes, il y a des mots qui sont désormais interdits. C'est le mot structure. Il ne faut jamais employer le mot structure. Ça, c'est obscène maintenant. C'est une obscénité fondamentale. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Par rien. C'est imposer une théorie. Non. Bon, donc, si vous voulez, on arrive à un cul-de-sac. On arrive à un cul-de-sac au moment où le monde, dans sa globalité, dans sa complexité, a besoin de plus de sciences sociales. Et pas moins de sciences sociales. Et pas seulement des anthropophages, Il nous faut des historiens, il nous faut des gens qui ont du recul du passé, car le passé vit encore dans le présent. Retransformé, mais il n'a pas disparu. Hein. Vous avez vu, il y a quelques semaines, à l'Ashura, vous avez vu la grande fête des chiites. C'était du passé qui vivait dans le présent, non? En plus, comme ça tombait bien avec les caricatures d'Allah, ça a permis des manifestations extraordinairement utiles, politiquement, et très bien organisées et encadrées. Donc, vous voyez, la rencontre des caricatures danoises avec la fête du troisième imam, ça marchait bien, ça permet des encadrements de 500 000 personnes dans la rue. Hein. Donc, ça, c'est ça, le présent. Alors, vous comprenez, quand vous voyez une partie des sciences sociales américaines qui est en totale régression et qui sert de jouissance narcissique, quoi. Les gens, ils s'écoutent parler. Quand vous entendez un Paul de Man dire que un texte ne s'explique que par d'autres textes, qu'il n'y a pas besoin de sortir des textes et qu'il n'y a pas de référence à l'extérieur du texte, et s'il y en a une, ça ne compte pas pour comprendre le texte, c'est la fin. C'est la fin des sciences sociales. C'est la fin des sciences sociales. Et c'est ça qui est très très grave, c'est que c'est au moment où... Mais ça, à mes yeux, ça, je pense, je n'ose pas le dire parce que je n'en ai pas les preuves, il faut travailler avec des historiens des 20 dernières années, je pense que c'est un signe de la perte d'hégémonie américaine. C'est un signe de... Parce que jamais les Américains ne mettent en doute la force de leur technologie. Jamais ils ne mettent en doute les sciences dures. Parce que les sciences dures, en biologie, en physique des plasmas, permettent des technologies formidables et efficaces pour faire des drones et tout ça. Il n'y a pas de doute sur les sciences dures. Et tous les doutes se portent sur les sciences dites molles. Bon, mais les sciences qui sont molles, c'est-à-dire les sciences sociales, historiques et autres, elles sont liées au mouvement social du monde et à la position américaine dans ce monde global. Donc il y a une régression au niveau de la pensée et de l'analyse, au niveau social. Et ce n'est pas les sciences dures qui expliquent la position américaine au niveau global, social quand même. Ce que les sciences dures amènent, c'est la supériorité scientifique et technologique. Ça va de soi. Ce que les sciences économiques montrent, c'est la supériorité économique de l'Amérique et financière, ça, on le sait. Mais il y a actuellement quelque chose qui est en train de pourrir. Pourrir. Je ne dis pas que Derrida et Demain, c'est nous qui les avons exportés. Paul et Demain est... Problème, oui, mais bon... Le problème est un autre. C'est pourquoi est-ce que ce qui ne marche pas ici, marche là-bas. Ben, ça a marché ici. Ben, attention, ça remonte de plus non, en plus. C'est revenu à l'effet de feedback. Oui, mais ça remonte maintenant. Ça remonte de façon... Ça remonte parce que l'Amérique, c'est une pensée française, je m'excuse de vous le dire. C'est toujours des Français, pas les bons Français, hein, c'est pas Lévi-Strauss. Hein. Lévi-Strauss, on n'en parle plus, il est mort. Il pense d'ailleurs qu'il est mort. Quand je suis aux États-Unis, il dit, quand est-ce qu'il est mort, Lévi-Strauss? Il dit, ah ben, il est mort déjà il y a un siècle, vous savez. Parce qu'ils ne savent pas, bon. Non, ben, je comprends. Donc, en fait, c'est une importation massive de pensée française. Mais quelle pensée française? C'est une pensée littéraire et philosophique. Ce n'est pas une pensée, si vous voulez, dans les domaines des disciplines. C'est ça qui est très intéressant. C'est une importation massive de philosophie et de commentaires de textes, d'où les départements américains qui ont profité le plus de l'apport français, c'est Literary Studies, c'est les études littéraires Critical Studies, Literary Studies. Et la grande université où se trouve Marcus, c'est le sud, comment ça s'appelle hein? Non, là où j'ai enseigné avec un moment avec Lyotard, on a fait un couple assez étonnant. Hein? Godelier et Lyotard, pour parler, c'était pas mal. Donc c'est Rice University. C'est Rice qui est le grand centre des grandes études littéraires, renouvelées entièrement par les Français. Et c'est un Français qui est philosophe là-bas, qui est un de mes amis, qui s'appelle Gou, Jean-Michel Gou, le philosophe. C'est là qu'il enseigne, qui est parti de Paris, et il enseigne depuis 20 ans la philosophie. Donc, si vous voulez, vous voyez les connexions. Mais je comprends ensuite que si vous voulez, devant ce... Parce que tous ces discours ne sortent pas... Sachez que qu'est-ce que c'est qu'un campus américain ? C'est un ghetto royal. C'est un paradis pour travailler et tout ça. Ça n'a aucun effet sur la société américaine, anglo, sur les banquiers et tout ça. Mais c'est très observé. Et quand je lis les déclarations très intéressantes de, non pas des fondamentalistes religieux qui soutiennent Bush, puisqu'il y a deux courants qui soutiennent Bush, fondamentalistes protestants, mais vous avez les néoconservateurs qui s'inspirent de philosophes comme Léo Strauss et tout ça. Hein? Souvent, c'est les anciens trotskistes. Bien sûr, une grande partie. Des gens qui ont lu Marx, etc. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des universités et des universitaires qui se donnent libre jeu, le plaisir de mettre en doute tout l'Occident, parce que c'est pas seulement Al-Qaïda qui met, c'est que le siècle des Lumières a ouvert à la colonisation, la notion de progrès est une notion scandaleuse et hégémonique, c'est toujours l'Occident qui domine, il n'y a pas de progrès, c'est une notion anti-scientifique. Donc, c'est une mise en question de tous les aspects de la société et de la civilisation occidentale. Ça apparaît comme un discours ultra radical. Et quand je lis les déclarations de Wolfowitz et tout ça, et l'autre jour j'en ai trouvé qui était extraordinaire, ils vous disent, ces gens, alors ils en profitent, hein, les démocrates, donc leurs adversaires, les libéraux, c'est pas eux, les lesbiennes, les gays, les etc. Tout ça, c'est le même. C'est la décomposition de l'Amérique. Il faut reconstruire l'Amérique et sa place dans le monde. Vous voyez ? Donc, souvenez-vous, vous êtes une partie d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais d'autres ne le sont pas. Eh bien, en 68, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des avancées étonnantes dans la critique, puisque en France a commencé le premier mouvement, et ensuite c'était aux États-Unis, si vous vous rappelez, dans les universités. Et donc c'est parti de France, c'est arrivé dans les universités américaines, mais ça a rejoint deux mouvements américains qui étaient très puissants, anti-guerre du Vietnam, et le mouvement féministe américain commençait en 68, mouvement des féministes américaines, ça, c'était très important. Donc il y avait des forces politiques et des forces critiques très, très, très lourdes, très enracinées dans des réalités, pas désinsérées de la réalité. Les sittings qui étaient en Californie, c'était formidable. Les milliers d'étudiants assis par terre, les professeurs obligés de changer leur méthode et tout. Ça a été très important pour l'Amérique, comme progrès. Comme progrès, comme rejuvénilisation, si on peut dire. Nouveau. C'est pas le cas maintenant. Mais je me souviens qu'en 68, une série de professeurs de cette maison et d'ailleurs ne sont plus venus enseigner parce que les cours, c'était les professeurs étaient insultés. Ce que tu dis, c'est contre Marx. Ce que tu as dit, c'est pas... Il y a certains professeurs, dont je ne vous dirai pas le nom, qui ont refusé de continuer de faire des cours. Et ils sont devenus beaucoup plus à droite qu'ils n'étaient avant. Dans un rapport dialectique, si vous voulez, avec des positions extrêmes, mais qui n'ont pas duré après, qui ont été plutôt un plaisir de soi-même qu'un plaisir de transformer la société. Ça a été une grande proteste, d'ailleurs, c'est bien. Mais pour l'instant, aux États-Unis, c'est permanent. C'est permanent. Alors, oui. Parlez plus fort. Oui, je sais. C'est lié, bien sûr. Mais il a été très agressé comme recteur. Il a essayé de faire quelque chose aussi. Hein. C'est pas un recteur, Ricoeur, c'était pas un recteur qui voulait refouler les étudiants avec la police. Hein. Mais il n'a pas eu de chance, parce qu'à l'époque, il y avait, si je m'appelle, Touraine, il y avait un dénommé comme Bendit, qui était un extraordinaire, disons... Il était capable de parler. Oui, oui. N'était pas capable de oui, c'était un porte-parole magnifique. Et à l'école, moi j'étais étudiante à l'époque, et donc on a. Moi j'étais en Nouvelle-Guinée. Moi j'étais en Nouvelle-Guinée. Il était en Nouvelle-Guinée, c'est pour ça qu'il peut parler. Mai 68, j'étais avec les sauvages. Et moi j'étais avec les sauvages de l'école de études à la Sorbonne, et c'était très intéressant parce qu'une partie des directeurs d'études, on a constitué avec les étudiants de la formation à la recherche, c'est-à-dire. La FRAC qu'on avait construit. Les PRAS, on a construit à ce moment-là un bureau dans lequel il y avait plusieurs personnes, dont Barbu et d'autres, qui étaient parallèles au bureau qui était toujours là. Le bureau de l'école, a, hein. Le bureau de l'école, et on a continué à discuter avec eux. C'est-à-dire que pour l'école, il y a quelques personnes, comme tu dis, mais le reste est rentré dans le jeu, dans une espèce de, disons, de défense d'une institution différente par rapport à la Sorbonne, qui à ce moment-là mettait sur le côté les enseignants, puisque les assemblées, bon, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants à la Sorbonne. Mais l'école... Mais ils étaient chassés d'ailleurs même. Bon, mais ça, c'est pas... On va pas revenir sur le passé, mais c'est pour vous dire que... Moi, je suis très inquiet devant la situation globale qui demande plus d'analyse en sciences sociales, plus de connaissances sur le monde musulman, sur beaucoup de sociétés. Et c'est pas en déconstruisant au point qu'il n'y a plus de validité scientifique, plus d'analyse possible, plus d'explication. Alors, il ne faut plus expliquer. Une explication, c'est une imposition. Donc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites alors? Donc, vous reproduisez le discours des autres. Vous donnez la parole. Alors, bon. D'ailleurs, ça doit antagoniser profondément les psychanalystes, puisque les psychanalystes pensent que quand on parle de soi... On ne dit pas toujours la vérité sur soi, quand même, non? On n'est pas toujours les meilleurs pour s'interpréter, paraît-il. Bon, il paraît qu'on a un inconscient qui ne laisse pas faire tout ça, quoi, facilement. Alors, comment pouvez-vous penser que quelqu'un parle de soi, automatiquement, il a la vérité sur soi? Ce n'est pas pensable, enfin, c'est contre toute expérience humaine. Alors, en plus, on ne peut plus parler de termes comme structure, etc. Il faut les bannir. Donc c'est un effondrement général. Et alors, vous substituez un autre discours. Ou alors, vous cherchez des preuves de la radicalité des autres. Comment? Vous dites, par exemple, que quelqu'un qui s'habille comme Madonna, c'est fortement une jeune femme qui s'habille comme Madonna. Madonna, c'est une de mes actrices préférées. Donc, je ne peux pas dire Schwarzenegger, Madonna, j'ai vraiment une... Je suis moderne. Eh bien... une jeune fille qui s'appelle... Alors, il paraît que c'est un acte de résistance et de protestation contre la société bourgeoise. Allez. Madonna est totalement intégrée là-dedans, et plus elle en fera, plus elle gagnera d'argent, plus ça sera bien, plus elle sera... Alors, la nana qui s'habille comme Madonna, c'est pas forcément parce qu'elle s'identifie à une cause de résistance, parce qu'après, vous avez aussi où chercher les points de résistance, parce que beaucoup se disent tout à fait... révolutionnaire, ultra-révolutionnaire, puisque le marxisme est mort, il faut trouver une autre formule de révolution, vous voyez. Donc on passe constamment d'un narcissisme stérile à des positions ultra-gauchistes. Ultra-gauchistes. Alors, en même temps, si vous lisez, quelqu'un me disait qu'il allait acheter, ce que je vous avais conseillé de faire, le bouquin de François Cusset, French Theory. Et ça, ce type, ce n'est pas un anthropologue, il a été beaucoup aux États-Unis, et il a publié ce livre que je trouve très bien, comme... Donc, acheter, c'est chez Maspero, c'est assez cher, 23 euros, je pense que ça. Et vous avez quand même l'entrée aux États-Unis selon les dates de Foucault et tout ça. Mais il va plus loin que le monde littéraire et le monde philosophico-anthropologique. Il va vers les galeries d'art, il va vers Warhol et tout ça. C'est-à-dire, à un moment, et je comprends très bien que dans le monde littéraire, étant donné que les artistes inventent des mondes imaginaires, c'est tout à fait normal de dire que le monde, c'est ce que je pense. Moi, je n'ai rien à dire. C'est la différence entre Shakespeare et puis quelqu'un comme Evans Pritchard. Evans Pritchard écrit sur les nuaires. Qu'est-ce qu'il peut écrire après la mort de Evans Pritchard? D'autres anthropologues peuvent y aller, critiquer, rediscuter. Qu'est-ce qu'il peut écrire après Shakespeare? Personne ne peut compléter l'œuvre de Shakespeare. Macbeth, c'est sorti de sa tête. C'est un monde qui n'a commencé d'exister que là et qui est sorti de là. Donc ce sont des mondes imaginaires. Les anthropologues ne traitent pas de monde. Il y a un référent extérieur à leur texte. Vous comprenez la différence? Et c'est ça qui est coupé complètement. C'est ça qui est coupé. Et donc, vous rappelez la vieille discussion philosophique. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la définition latine, l'adéquation de intellectus, donc des formes de la pensée, avec res, les choses. Essayer de faire que nos représentations correspondent à des réalités. Hein, c'est ça. La vérité, c'est un rapport d'adéquation entre la pensée et ce qui n'est pas dans la pensée. C'est fini, c'est coupé. Ça s'appelle une vieille lune de la philosophie réaliste. Une vieille lune. Bon. Alors, vous comprenez que c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème sur... Alors, en même temps, ne faites pas d'illusions. Il y a aujourd'hui aux États-Unis des centaines de jeunes, tout ça, qui font du terrain. Et le problème, c'est qu'en revenant avec leur terrain solide, et comme tout le monde, hein, ils sont obligés, pour avoir un job et pour publier, d'entrer dans le moule des déclarations postmodernistes. Exactement comme dans les pays communistes, autrefois, on faisait du terrain, on faisait de l'histoire. Premier chapitre, Marx a dit. Dernier chapitre, Marx a dit. Donc maintenant, premier chapitre, Derrida a dit. Dernier chapitre, Foucault a dit. Et avec ça, vous avez un job. Il y a donc une mode. Il y a donc une mode. Et c'est vrai, ça fait pression. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, les types, ils ne savent pas observer, prendre des notes, et ne sont pas capables de rapporter quelque chose sur une vie des autres qui a un sens. Si vous voulez, derrière, si on pousse à l'extrême, eh bien, si on pousse à l'extrême, et c'est le postulat suivant, c'est que l'altérité de l'autre, otherness of other, otherness, est absolue. Si vous dites que l'altérité de l'autre est absolue, il n'y a plus de science possible, il y a des univers culturels complètement différents. Vous ne pouvez pas. Alors donc, il faut affirmer contre ces positions que l'altérité de l'autre est toujours relative et jamais absolue. Seulement, il faut poser un problème. Je discutais malheureusement, un grand anthropologue qu'on respectait tous, qui s'appelait Roger Kissing, est mort très jeune, mais il a écrit un livre très beau, que je vous résumerai un de ces jours d'ailleurs. Il a eu la chance de vivre jusqu'à sa mort en 92 dans une société des îles Salomon, les Kwayo, qui pendant 50 ans a résisté et à l'État colonial et aux missionnaires. Les seuls qui, de toute une île, n'ont jamais voulu se convertir au christianisme. Ils sont considérés maintenant par tous les autres habitants de l'île, qui sont tous devenus chrétiens, comme des vrais sauvages. Des vrais sauvages. Donc parce qu'ils n'ont jamais accepté de perdre leur autonomie culturelle, ils sont considérés comme des sauvages. Comprenez bien. Et Roger Kissing disait ceci, et discutez, réfléchissez à cette question. On ne peut pas se mettre, c'est la formule française, mais je pense qu'elle existe dans beaucoup de langues, on ne peut pas complètement se mettre dans la peau des autres. Bon. Mais est-ce que la connaissance des sociétés, ça existe de se mettre dans la peau des millions de gens qui sont dans une société? Mais ce n'est pas possible. Si c'est ça qu'on appelle absolu, non. Non, ça, ce n'est pas possible. Aucun anthropologue ne se mettra, ni vous ni moi d'ailleurs, quand vous êtes avec d'autres, vous allez vous mettre dans la peau des autres. Mais c'est la question des sciences sociales, ce n'est pas de se mettre dans la peau des autres, tout à fait. c'est de comprendre les raisons de leurs actes. Ce n'est pas forcément de pénétrer dans l'intimité d'assister au théâtre intérieur, de son mensonge à soi-même, hein, tout ce qu'on peut se dire sur soi-même comme mensonge pour se... ou de vérité sur soi, mais bon, on se les garde, ou on ne se les garde pas, mais on se les confie à deux, trois. Ce n'est pas ça le travail des sciences sociales. C'est de comprendre la logique des comportements et des formes d'action des autres dans une société. Et quand les gens agissent dans une société, les autres comprennent le sens. Ils partagent un même code quelque part. Ils partagent un code pour comprendre le sens des actions des autres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans un certain contexte, les actions s'enchaînent ou se déchaînent, si on peut dire. Mais les gens qui vivent dans la même société ont une inter-intelligibilité très large. Et nous, qui ne sommes pas de cette société, ou qui ne sommes pas de cette partie de la société, parce qu'on peut être anthropologue, bourgeois, on peut venir d'une autre classe sociale, on peut descendre dans le Midi, ou pour moi qui suis du Nord, je trouve tous les gens du Midi ne sont pas fiables, pas intéressants du tout, mais que les gens de chez moi, les gens du Nord, les ch'timis sont parfaits, non, vous voyez que... Tandis que les gens du Midi sont fourbes, ils font beaucoup de bruit, ils parlent tout le temps, mais il n'y a pas de véritable amitié, ces gens-là, chez nous, les gens du Nord. Non. Donc vous voyez que je viens de vous faire un discours, et donc vous devez marquer dans la livre, voilà ce que dit un type de Cambrai, il dit « The voice of a Cambrai ». J'ai parlé en tant que cambrésien, tout à fait, un ch'timi, je parle aussi, je peux vous le dire en patois d'ailleurs, parce que je parle. Et donc, c'est ça l'anthropologie, vous allez recueillir mes propos, qu'est-ce que je pense de moi-même, et qu'est-ce que je pense de tous ces cons qui sont des types du Midi. Attention, le Midi pour nous, les gens du Nord, commence à Amiens. Pas à Paris. C'est à Amiens, c'est-à-dire déjà 60 à 100 kilomètres au sud, c'est déjà le Midi. Alors quand vous arrivez à Nice, c'est folie, c'est la folie. Donc vous n'êtes pas capable d'aller faire du terrain dans le sud. On ne vous envoie pas dans le sud faire du terrain. En tant qu'anthropologue, j'irai faire justement dans une autre culture mon terrain. Et ça, comme je vous ai dit que le travail d'un anthropologue, c'est un travail sur soi de décentrement, je commencerai par suspendre tous les jugements que je viens de vous... Et c'est ça ce qu'on appelle la suspension du jugement, qui est le premier point et premier pas du travail scientifique. Comme disait Husserl, époquer, suspendre le jugement pour commencer à entendre l'autre. Donc si j'allais dans le Midi, bien sûr, je ne dirais rien de ce que je viens de vous dire. Je commente, mais le problème c'est que vous avez bien compris. Vous avez bien compris que ça ne m'empêchera pas de le penser pendant un certain temps. Donc le travail sur soi est un travail permanent, parce que on n'est pas anthropologue comme ça. On construit un moi cognitif. Alors, il n'y a plus de discussion maintenant sur la construction d'un moi cognitif qui permette de faire son métier. Mais si vous êtes physicien, vous devez construire un moi cognitif. Un physicien, souvent, moi j'en ai connu beaucoup quand même quand j'étais au CNRS, c'est un gars qui le samedi, il doit aller surveiller une expérience. Souvent, les expériences sont programmées, on ne peut pas s'arrêter. Sa femme est furieuse, le dimanche il s'en va, en plus il est obsédé parce que les résultats c'est ça, et puis il téléphone tout le temps, et ses enfants... Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moi cognitif ça. Tout à fait. Qu'on soit n'importe quoi dans n'importe quelle discipline, on n'est pas le cambrésien qui vient de parler. On doit construire un moi cognitif à l'intérieur de soi, qui est un moi qui s'ajoute aux autres et qui critique les autres moi. Donc, je ne vois pas ces discussions dans... C'est ça la discussion qu'il faut faire. C'est ça. Moi, j'ai un moi social, je suis acheté, je viens de Cambrai, de mon époque, j'ai mes racines de classe, etc. Hein? Donc, je peux faire mes routes aussi. Moi, je peux écrire mes autoroutes, si on peut dire. Autoroutes. Et alors, je parle comme ça maintenant. Triste trope, etc. Triste trope, voilà. Et pas tropique, bien sûr. Je parle de trope littéraire, mes enfants. Je ne parle pas de tropisme, mais ni de tropique. Je parle de tropes, de formes de langage, de figures narratives. Voilà. Donc, vous voyez, je sais parler le langage qu'il faut. Bon. Et donc, bon, et donc, c'est ça le problème. Alors, quand les gens vous disent, mais on peut pas se mettre dans la peau des autres. On peut comprendre leurs actions lorsqu'elles sont sociales. Mais moi, je peux pas pénétrer dans le moi intime des autres. Donc, il faut savoir distinguer les trois moi. Le moi. Qu'est-ce qu'on appelle le moi intime ? C'est votre sensibilité, c'est la manière dont vous vivez les autres, à travers les rencontres que vous avez eues depuis votre maman, les souffrances, les bonheurs, les malheurs. C'est une sensibilité qui est d'ailleurs qui fait partie aussi du métier d'anthropologue, parce que un gars qui est vachement, un type qui est une femme qui est très fermée à autrui pour une existence personnelle, lorsqu'elle est plongée dans la nécessité de connaître autrui, dans des comportements qui ne sont pas les siens, qui ne sont pas immédiatement compréhensibles, il faut faire un effort d'ouverture aux autres quand même. Enfin, vous voyez, si vous avez un moi qui a été un peu marqué par des souffrances de rencontres, quand vous allez travailler pour rencontrer les autres, pour les connaître, vous allez avoir ce problème en vous-même. Ce n'est pas seulement un problème social, là. C'est un problème de, comment dire, de disponibilité à l'autre, d'ouverture possible, d'écoute, quoi. Écoute, quoi. C'est ça le problème, quoi. Alors, ce moi intime, on ne va pas coïncider avec ça. Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre avec notre moi cognitif ? C'est les formes de pensée et les formes d'action et d'interaction entre les autres qui sont autour de nous. Et parmi lesquels on vit pendant un an, deux ans ou plusieurs mois, ça dépend, de comprendre le sens que ça a pour eux de ça. Donc, si vous voulez, notre travail, c'est pas de pouvoir. On peut faire des biographies. Il y a quelques anthropologues qui ont écrit des très belles biographies. C'est-à-dire, ils ont pris un individu, ils l'ont interrogé pendant des mois. Ce ne sont pas des psychanalystes, ils ont pu éclairer la structure de la famille, l'histoire vécue. Théoriquement, le psychanalyste doit être assez silencieux pour laisser faire des associations. Parfois, il propose une interprétation, paraît-il. Je ne suis pas psychanalyste. Enfin, on m'a expliqué que, de temps en temps, un psychanalyste risque quelques propos dont le psychanalysé s'empare pour rentrer chez lui et travailler sur ce sens de ces mots qu'on lui a dit pour découvrir le sens de ce qu'il avait dit lui-même ou elle-même. C'est pas ce qu'on fait, nous. C'est pas ce qu'on fait. Je ne dis pas que la psychanalyse n'apporte pas quelque chose pour la connaissance des individus, mais ils sont incapables, les psychanalystes, de comprendre la logique d'une société. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas. C'est ce que je vous ai expliqué. Freud voulait tout expliquer à partir de la psychanalyse. Il voulait expliquer les totems, il voulait expliquer les tabous, il voulait expliquer l'origine de la parenté, expliquer le linéarité, il appelait ça matriarcat, bon, c'était l'époque. Il voulait tout expliquer à partir de sa discipline. Il ne pouvait pas, parce que ça, c'est des formations sociales. Donc, ce que nous, on voit comprendre, archéologues, historiens et tout ça, c'est la logique des formations sociales et la manière dont, dans une formation sociale, les individus se interagissent, et d'une façon qui est compréhensible. Parce que soit les gens disent, mais ce type-là, ce qu'il fait, c'est scandaleux. Donc, ils comprennent qu'il est à la marge ou qu'il est en train de briser un tabou. C'est compréhensible. Maintenant, pourquoi il le fait ? C'est compréhensible peut-être aussi. Peut-être. Mais nous, on ne va pas plus loin. Mais c'est scientifique au sens qu'on a découvert une logique qu'on peut vérifier. En plus, je trouve. Pour des professionnels d'anthropologie, dans ces discussions, il y a très peu d'exemples. Ce sont des propositions philosophiques et des oukases philosophiques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des généralités philosophiques. Prenez des cas, alors, dans ce cas-là, prenez un cas. Expliquez au lecteur pourquoi il n'est pas possible de comprendre cette femme qui est devant vous, alors vous avez deux ans fait de travail chez les Barouillas. Qu'est-ce qui échappe dans cette femme ? Là, on discute au moins sur qu'est-ce qui échappe à la connaissance pour un anthropologue ou une anthropologue? Ça, c'est sûr. Bon. Alors, un grand thème de l'anthropologie américaine aujourd'hui, critique, c'est celui-ci. Dans une société, il n'y a pas une culture homogène, il y a plusieurs cultures. C'est vrai jusqu'à un certain point, pas forcément. Où il y a plusieurs interprétations de la même culture par les individus. Ça, on est d'accord. Mais attention, c'est toujours les mêmes codes qu'ils interprètent. Et les plusieurs interprétations sont dans un champ qui est fermé par... Il n'y a pas 1000 interprétations possibles pour les barouillas de leur propre pratique. Hein. Mais il peut y en avoir plusieurs. OK. Deuxièmement, ils sont contre l'idée que les cultures soient des essences. Attention. Que tout est fermé, que chaque société est une monade, monos, monade fermée sur elle-même. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui compte pour les gens? Regardez, c'est ça. Boas, le grand fondateur de l'anthropologie culturelle, celui qui met l'accent toujours sur la notion de culture et non pas sur la notion de société, il nous dit que il n'y a aucune société qui n'ait des éléments culturels qui soient aussi dans la société voisine. Mais il dit que ce qui compte, c'est l'organisation des éléments dans une société. Ce n'est pas le contenu. Le contenu, vous, entre un Italien et un Français, écoutez, on a le catholicisme, on a je ne sais quoi, on a des tas de trucs en commun. Mais c'est la configuration que va donner les Français ou que vont donner les Italiens, à des éléments qui sont communs. C'est ça l'originalité. Ce n'est pas que ça soit des cultures différentes, c'est que la structure, c'est-à-dire la configuration, le jeu, quoi, soit différent. Et ça, on ne sait pas pourquoi on combine. Donc, constamment, il y a des emprunts. L'idée que les sociétés sont fermées... Alors, maintenant, regardez les Bosniaques et les Serbes. Ils parlent la même langue. Complètement. Serbo-croate. Je prenais le croate. Je prenais la Croatie, tiens, c'est même pas bosniaque. Croatie. Bon. Ou bosniaque. Serbo, c'est la langue, ça s'appelait le serbo-croate. Dans les dictionnaires et tout. Bon. Les gens ont fait une guerre terrible entre bosniaques et... Mais pourquoi? Parce que, pour les bosniaques, leur référent, c'est-à-dire leur référent identitaire, c'était d'être musulman aussi. Et pour les Serbes, être orthodoxe, chrétien. Bon, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ce sont tous des Slaves, du point de vue, paraît-il, ethnique, Slaves. C'est ce qu'on appelle Yougoslaves, les Slaves du Sud. Tous les peuples qui sont arrivés, d'époque et d'époque, ils sont arrivés, sont accumulés, les langues sont assez proches. Les éléments culturels sont... Mais, pour un Serbe, les Bosniaques, ce sont des Slaves qui ont trahi. En devenant musulmans, ils échappaient à l'impôt que les chrétiens devaient payer. Ils étaient intégrés dans l'Empire musulman comme de la communauté de la Oumma, c'est-à-dire de la communauté musulmane. Donc, il y a un ressentiment historique. Vous voyez, ils sont passés de l'autre côté, quoi. Ils sont passés de l'autre côté. L'Empire ottoman, ils s'en sont sortis, les gars, en devenant musulmans, ils ne payaient plus l'impôt, ils étaient du côté du maître. Bah, tout ça, c'est des problèmes historiques. Et alors qu'ils parlent la même langue, qu'ils mangent les mêmes plats, que c'est toujours la salade bulgare et tout, bon, je viens de faire l'expérience, j'étais en Grèce cette semaine, et je suis allé exprès avec une grecque qui a passé sa thèse avec moi, et sur la Bulgarie, et qui parle parfaitement le bulgare, je suis allé dans un restaurant bulgare interdit aux autres, communautaire, hein, pour donc un restaurant bulgare où il fallait être introduit par quelqu'un qui était bulgare pour pouvoir manger. Donc je suis tombé dans un plat d'identité, là, on consomme son identité. Ah oui, mais comme je connais bien la cuisine grecque, j'ai cherché ce que c'était que la cuisine bulgare. C'était la même chose, à peu près, que la cuisine grecque. Absolument, là où les Grecs mettent des tomates, des concombres et de la feta, qu'est-ce que mettent les Bulgares? des tomates, des concombres et du fromage râpé. Mais pas de la feta, parce qu'ils ne produisent pas la feta. Bon. Ensuite, quand tu bois, moi, comme je bois beaucoup l'alcool, j'aime beaucoup le raki, c'est pratiquement la même chose que rakia en Bulgarie et tsipouro en Grèce. Mais ils se sentent tout à fait différents, comme les Bulgares et les Grecs, non? Tout à fait différents. Mais après, quand vous dites, mais dites, vous avez l'air vachement semblables, tous les deux là. Ah oui, mais attention, on fait partie des Balkans. Et donc, à ce moment-là, ils vous donnent une super identité commune. On est tous des peuples balkaniques. Et habituellement, quand je suis en Grèce, on m'explique que, même anthropologue, je ne comprendrai jamais rien en Balkan. Parce que c'est très compliqué, les Balkans. Et quand j'allais en Russie, autrefois, quand j'étais jeune, il y avait toujours deux Russes qui m'expliquaient que je ne comprendrais jamais rien à l'âme slave. Je ne comprendrais jamais rien à l'âme slave. Bon, donc, vous voyez que les gens, ils savent ce que vous allez comprendre. Mais, en fait, c'est des mythes. C'est des mythes. Tous les éléments, on peut les mettre sur la table. C'est la configuration qui compte. Mais là, ce sont des problèmes. Pourquoi il faut se référer à une identité? C'est des problèmes de positionnement politique et culturel, quoi. C'est des engagements. C'est pas un problème théorique que les gens résolvent. Ils s'en foutent. C'est des problèmes de position politique et culturelle dans les sociétés diverses. C'est ça l'arrière-fond de tout ça. Alors si vous allez discuter avec quelqu'un en disant « Mais dis-moi ton yaourt, c'est pareil que la feta, finalement ça prend la place d'eux. » Ils s'en foutent. C'est pas leur question. Eux, ils ont besoin que ça soit différent. Hein? Puis ensuite, quand je dis « Mais vraiment, ça ressemble beaucoup », ils ont dit « Mais attention, on est dans les Balkans. » Donc après, ça devient semblable à un autre niveau. Mais quand on me dit que c'est dans les Balkans, moi, je dois fermer ma gueule. Parce que les Européens ne comprennent pas les Balkans. Et après, on me dit que les Balkans, c'est déjà l'Orient. Et après, j'en ai comme ça pendant des heures de discussion idéologique. Mais je comprends. Ça, c'est la position des gens, comment ils se pensent eux-mêmes. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort. C'est comme ça qu'ils se pensent. On peut discuter avec des intellectuels, on peut leur dire que le yaourt et le fromage prennent la même place structurelle, mais ça va. Quand j'aurai dit ça à quelques-uns, ça n'aura pas un effet de masse, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas vraiment convertir les masses à une nouvelle politique si je leur dis que c'est la même place structurelle. Bon. Donc vous voyez que tout ça, quand je vois ce que je lis, là, depuis des mois, je lis beaucoup d'ailleurs, hein, de tous ces textes. Je dis que les points de départ, c'est plutôt des points traditionnels de la réflexivité nécessaire, de la distance qu'il faut avoir et de la remise en question permanente des concepts, des méthodes et des conclusions. Il n'y a pas de science qui ne peut progresser sans cette remise en question. Mais que là, on n'est pas arrivé. On n'est plus des pratiques de déconstruction pour reconstruire, comme font les sciences dures. On a des pratiques de déconstruction qui sont nécessaires, mais qui aboutissent à la dissolution. Et à mes yeux, nous sommes actuellement, si cette méthode, si ce qui se passe aux États-Unis se répand en Chine et tout ça, ce qui est le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi de mimétisme modernisant, enfin, ça, au Japon, c'est pareil. C'est un recul des sciences sociales. Et par ailleurs, c'est très compliqué parce que j'ai lu 2-3 articles récemment sur l'Inde. Le mouvement qu'on appelle radical de mise en question de deux histoires, l'histoire impériale britannique et l'histoire nationaliste, hein, parce que tous ces pays après l'indépendance, vous avez des générations d'historiens qui écrivent cette fois une histoire nationale de l'Inde, l'histoire nationale de l'Italie, etc., etc. Alors en général, les histoires nationales et nationalistes glorifient toutes les actions du peuple qui a permis d'arriver à l'indépendance et de mettre dehors les Anglais, par exemple. British, colonial power. Alors, aujourd'hui, il s'est développé depuis 1988, à peu près, à la même époque qu'aux États-Unis se développait le postmodernisme avec Marcus, qui est d'ailleurs un ancien marxiste d'ailleurs, et d'autres, et Clifford, se sont développés aux États-Unis, mais maintenant, en Inde, et maintenant l'auteur Gua vit en Allemagne, mais bon, c'est d'abord en Inde qu'il a développé ce qu'on appelle Subaltern Studies, une nouvelle écriture de l'histoire de l'Inde, qui maintenant devient un grand courant américain très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je refuse, bien sûr, The Cambridge History of India, parce que c'est écrit par l'impérialisme britannique. Même si c'est très sérieux, Cambridge, c'est les impérialistes qui ont conquis et écrit l'histoire qu'ils voulaient de l'Inde. Mais ils sont contre Nehru. Ils sont contre toutes les histoires écrites par le nationalisme, par le parti du Congrès, hein, Congress Party, qui a gagné l'indépendance. C'était le parti de Nehru et qui, jusqu'il y a quelques années, a gouverné. Donc ils accusent le nationaliste d'être des perroquets éduqués, que Nehru avait fait ses études, bien sûr, en Angleterre, etc. C'est des gens qui pensent leur propre histoire contre les Anglais, mais dans les cadres de la pensée occidentale. Et pourquoi il dit ça? Ça, c'est une vraie question théorique. Parce qu'ils disent que l'Inde n'était pas un État-nation. Que partout, et c'est vrai, regardez ce qu'on a fait, nous, les Français, en Afrique. On a inventé des nations incroyables qui n'existaient jamais. Et maintenant, tout le développement se fait dans un cadre qui a été imposé par le colonisateur. L'État-nation. Et tous les pays européens sont entrés dans l'Italie a dû s'unifier, l'Allemagne a dû s'unifier au XIXe siècle pour former un État-nation. Donc, ce que disent les Subaltern Studies, c'est que penser cette histoire comme formation d'un État-nation, c'est être soumis au modèle de l'Occident parce que l'État-nation est imposé par l'Occident colonialiste. C'est aussi négliger ce qu'ils appellent counter-hégémonie. Alors, pourquoi? Parce qu'ils disent que le discours des professeurs britanniques et des administrateurs de l'Inde, c'est un discours hégémonique. Qu'utiliser les concepts nation et tout ça, expliquer les choses par l'économie, c'est hégémonie occidentale, c'est les modèles occidentaux. Et ce qu'il faut, c'est trouver, expliquer les mouvements qui étaient sans référence à des hégémonies soit britanniques, soit d'intellectuels qui ont été formés et qui ont pris le pouvoir comme Nehru. Donc ils appellent ça Subaltern Studies, chercher dans les archives tous les mouvements de paysans, les mouvements anti-caste, qui n'avait pas pour leader des dirigeants politiques du Congrès ou se préparant à l'indépendance, luttant contre les Anglais, mais parlant par eux-mêmes tout à fait anglais, n'est-ce pas? Et donc, il faut aller chercher une histoire de l'Inde qui a été à la fois niée par les Britanniques, qui voyaient des désordres et ils ne voyaient pas une résistance. Ils voyaient des désordres, des foules qui avaient faim, mais pas une résistance politique. Donc, souvent, qu'est-ce que vous avez dans une histoire coloniale? Vous voyez qu'il y a eu... Ah oui, on note qu'il y a eu une révolte ici, répression, une expédition qui a réprimé tout ça, mis de l'ordre, tout ça. Ce qui est nié, c'est qu'il y avait une résistance avec une pensée politico-religieuse, par exemple. Donc c'était une résistance à une occupation. À une occupation. C'était la façon dont les gens prenaient conscience, souvent disant qu'ils étaient inspirés par Dieu. C'est vrai. Par exemple, chez les Kwayo, là, cette fameuse tribu qui, depuis 50 ans, résiste, maintenant il y en a de moins en moins, ils disent toujours, nous luttons contre les chrétiens, nous luttons contre les Anglais, puisque c'était aussi une colonie britannique. British Solomon, c'était British Solomon Island. Nous luttons parce que nos ancêtres sont avec nous, ils nous disent de combattre. Ils ne disent pas, je suis membre du Parti communiste, je lutte contre l'impérialisme. Ils disent, nos ancêtres sont avec nous, et ils nous disent de combattre. Ils n'ont pas un vocabulaire moderne. Ils disent, c'est un combat des ancêtres avec nous contre les Anglais et contre les missionnaires. Alors, les gens peuvent se dire, bon, c'est une mystification, les types, ils ne savent pas. Donc, c'est très difficile d'interpréter ça. Donc, les subaltern studies, c'était au départ, pendant 5, il y a 12 volumes hein, qui sont interrompus maintenant. Les 6 premiers sont très néo-marxistes, cherchant la voix du peuple, la voix, les voix, justement, absentes. C'est ça qui est très bien, j'ai rien à dire, moi. Cherchant dans les archives des incidents qui manifestaient des résistances de castes contre les castes dominantes, ou de ça, ou une sorte de conscience paysanne contre les gens des villes, ou des castes inférieures contre les castes supérieures. Puis les 6 derniers, Monsieur Goua, semble-t-il, a quitté, après avoir lancé ce mouvement fécond, a quitté, semble-t-il, l'Inde et vit avec une jeune femme en Hollande, voyez, en Allemagne. Donc ça arrive, vous voyez, la vie que n'est pas toujours une ligne droite dans la pensée, n'est-ce pas? Bon. Et alors ses successeurs sont devenus de plus en plus postmodernistes et foucauldiens. Foucauldiens, oui. Foucault permettant de faire la théorie de toutes les formes de pouvoir. Puisque la position de Foucault, c'est contre le marxisme, il y a du pouvoir partout. Les marxistes n'expliquent le pouvoir comme les bourgeois que par l'État, représentant du pouvoir, et les marxistes en rajoutent une couche. Les classes dominantes ont le pouvoir sur la société. Et l'État leur sert d'instrument de leur pouvoir, n'est-ce pas? Bon. Donc Foucault avait dit, mais non, pas du tout, les gars. Tout le monde a du pouvoir. Moi, j'ai du pouvoir sur vous puisque je parle. Tandis que vous, vous écoutez, bon. Je vous dis n'importe quoi et je vous influence. Si vous êtes infirmière et vous allez me soigner, vous avez du pouvoir sur moi. Parce que si vous me soignez bien ou mal, vous me faites mourir. Donc, tout le monde a du pouvoir. La mère sur son enfant, tout ça. Seul problème avec Foucault, c'est que il n'y a que Bush qui décide la guerre en Irak. C'est plus de pouvoir que l'infirmière. Beaucoup plus de pouvoir que Godelier aussi. Donc Foucault avait quand même mis tous les pouvoirs sur... Il n'y a pas de centre du pouvoir, disait Foucault. Donc, il était applaudi au Collège de France, c'était fabuleux. Il n'y a pas de source du pouvoir. Le pouvoir est dispersé, disperse. Alors, aux États-Unis, c'est comme ça, disperse power. Mais c'est pas pareil. Donc maintenant, il est temps que les Américains sachent qu'il y a une hiérarchie dans les pouvoirs, parce qu'on en a vu l'existence, peut-être, non? Moi, je n'ai pas le pouvoir de déclarer, voyez, une guerre en Irak. Je n'ai pas le pouvoir d'envoyer 260 000 soldats. Je n'ai pas le pouvoir de faire voter 800 millions de dollars immédiatement. Donc, il faut être sérieux quand même. Il y a des hiérarchies dans les rapports sociaux. Il y a des poids dans les contraintes énormes. Et je ne dis pas que j'explique moi les choses par l'économie seulement. Hein? Mais je dis que les forces les plus fortes, c'est la politique et la religion et l'économie, les deux forces les plus fortes des sociétés modernes. Et les forces, avant, la religion pouvait avoir une force formidable puisqu'elle n'était pas séparée du politique aussi. Donc vous voyez un peu la situation aujourd'hui, c'est on arrive à des extrêmes. En même temps, sur le chemin de ça, il y a des tas d'éléments critiques qu'il faut reprendre à son compte, qui étaient déjà là, qui sont repris et qu'il faut développer de façon critique également et positive parce que au lieu de dissoudre, comme à la fin, il n'y a plus de référent extérieur et tout ça, eh bien, on reconstruit et on approfondit. Donc, c'est ça l'enjeu actuellement. Déconstruire, réflexivité critique, délier l'anthropologie. Alors, évidemment, je reçois l'autre jour d'un anthropologue qui était très connu, qui est toujours vivant, il s'appelle André Béteille. André Béteille, c'est un homme de l'Inde, qui a un nom comme Béteille, mais c'est un nom, bon, qui était donc un des plus grands anthropologues. Maintenant, il est à la retraite. Il m'envoie un texte, Maurice, on s'était connu autrefois en Allemagne. Lisez ce texte, ce manuscrit. Donc, je lis ça la semaine dernière. Et c'est... Alors, qu'est-ce qu'on est, nous, anthropologues, en Inde, quand on s'auto-analyse, quand on va dans le Bihar, ou dans le Punjab, ou Gujarat, tout ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? On étudie les primitifs? Bon, c'est un peu naïf, ce qu'il dit, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'actuellement, il y a plus d'anthropologues hindous, si je emploie ce mot-là, qui travaillent sur l'Inde, que d'anthropologues américains, français et tout ça, étrangers à l'Inde, qui étudient l'Inde. C'est que le nombre d'anthropologues en Inde maintenant est énorme, et ils étudient d'ailleurs des Américains, il y a des anthropologues qui étudient des villes américaines comme si c'était des sauvages, ils ont parfaitement raison. Mais le nombre d'anthropologues produits maintenant par l'Inde est considérable. L'anthropologie n'est plus une affaire seulement d'anthropologues occidentaux. Le nombre d'anthropologues japonais est considérable. Le nombre d'anthropologues chinois qui se développent maintenant, bon, lié au musée d'ailleurs aussi, les Chinois créent. Ils détruisent autant qu'ils ne le créent, mais ils créent quand même des musées provinciaux où ils mettent beaucoup d'objets et qui recueillent des traditions. Ça c'est... Donc il y a des anthropologues liés à des musées. Au moment où ils détruisent des villes, ils font des musées. Bon. C'est comme partout, c'est la modernisation. Bon. Mais donc, on ne peut pas dire maintenant que l'anthropologue sur le terrain, c'est seulement un occidental qui vient observer les autres. Ce n'est pas vrai, c'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai maintenant. Et le nombre d'anthropologues non occidentaux formés aux États-Unis est incroyable. Tous les PhD de Turcs sont formés aux États-Unis. Moi, j'étais l'année dernière en Turquie, j'ai visité plusieurs universités. Tous les PhD sont formés aux États-Unis et les formations PhD de Turcs servent à former des non-Turcs, c'est-à-dire des Turkmènes, des Ouzbeks, des Tadjiks et tout ça, qui viennent se former en Turquie et les Turcs se forment aux États-Unis. Tous les professeurs que j'ai rencontrés, ceux qui avaient entre 50 et 70 ans, avaient été formés en France et en Allemagne, et tous ceux qui avaient moins de 50 ans étaient tous formés aux États-Unis. Donc, je ne peux pas dire, actuellement, je ne peux pas dire que... Alors, vous voyez qu'en même temps, le monopole que ça représente, si vous avez les gens formés aux États-Unis, les Indes vont là aux États-Unis, les Turcs vont aux États-Unis, les Russes vont aux États-Unis, c'est... Ils sont exposés à ce qui est à la mode aux États-Unis, hein. C'est évident. C'est évident. Donc, est-ce qu'ils sont attirés par les États-Unis? Est-ce qu'on leur donne des bourses? Ah, oui. Non. Est-ce qu'on facilite leur venue? Ah oui, est-ce oui, que oui. Les oui, Américains oui, veulent pas utiliser l'anthropologie pour faire passer des bourses? Non, ils s'en foutent de l'anthropologie. Les Américains achètent tout. Que ce soit un biologiste. Pourquoi ils vont se former là-bas, alors? Parce que les Américains payent des bourses. Ah ben voilà, c'est ça. C'est les Américains les attirent pour les former. Ben oui, mais en même temps... Quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont payés pour 4 ans. On trouve... Quand ils reviennent sur le terrain chez eux, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Quand ils reviennent aux États-Unis, chez eux, quand même, pour la Turquie, ils sont plus vite qu'un jeune Français professeur d'université. Oui, ils sont plus vite qu'un jeune Français qui a sa thèse, son PhD, conservateur de musée. C'est quand même des pays en expansion, la Turquie, qui crée combien d'universités actuellement? Il y a au moins 11 universités privées qui sont tout à fait modernes. Et les gens formés aux États-Unis trouvent un job en Turquie, souvent. Beaucoup plus qu'un jeune Français qui va aller aux États-Unis, qui reviendra en France et ne pourra pas entrer au CNRS. Il ne faut pas croire. Et puis l'Inde, alors 1 milliard 100 millions maintenant... Les anthropologues, ils sont dans les municipalités, ils sont auprès des gouvernements provinciaux, ils sont... Des conseillers politiques? Non, mais aussi dans les plans de développement. Oui, mais ce n'est pas directement la politique, c'est la politique économique. Hein, c'est lié, c'est tout à fait. Aux États-Unis, beaucoup d'anthropologues rentrent directement dans les banques. Ils rentrent... toutes les communautés chicanos, tout ça... Il y a dans les municipalités, à Chicago, à Los Angeles, des tas d'anthropologues mexicains Mexicanos, Chicanos, qui sont là, ils parlent espagnol et anglais, et qui servent d'employés municipaux, si on peut dire. Et donc, ils trouvent des jobs. C'est des conseils, hein. C'est des conseils, parce qu'ils servent d'interface entre des communautés. Il y a tellement de communautés différentes aux États-Unis. C'est un pays de 293 millions d'habitants, avec combien ? On dit qu'il y a, je ne sais pas, on dit qu'il y a 21 millions de Chicanos. Mais il y en a peut-être 10 millions de clandos qui sont là. Ça fait 37 millions, hein. C'est plus que la Belgique quand même. Donc moi, quand j'étais déjà en Arizona l'année dernière, tous les grands magasins dans les quartiers mexicains, c'était que des produits mexicains. Et moi, je ne faisais que parler espagnol avec les chauffeurs de taxi. La moitié de la population, dès qu'on arrive là-dessus, hein, New Mexico, Arizona, etc., c'est la langue, la deuxième langue, c'est l'espagnol. Est-ce que ce sont vraiment des anthropologues ou des sociologues ? Ce sont des anthropologues, parce qu'ils s'occupent des rites, des tout ça, bien sûr. C'est, bon, la différence entre sociologue et anthropologue, c'est pas pareil, parce que... Mais ils feront des enquêtes de quartier, barrios, des enquêtes... Et un sociologue va faire une enquête par questionnaire. Bon, mais enfin, si un anthropologue ne travaille pas avec un sociologue, ou un sociologue, c'est dommage, dans les situations urbaines complexes, c'est pas assez... Il faut travailler à plusieurs disciplines, c'est pas possible. L'anthropologie n'a pas le monopole, quand même. La sociologie non plus. Donc, je vous dis, actuellement, la situation est donc, ce que disait Béteille quand il m'a envoyé son truc, il y a de plus en plus d'anthropologues non occidentaux, c'est plus une science occidentale. Tandis qu'aux États-Unis, on dit que c'est une science qui continue à être la science de l'Occident et de la domination de l'Occident. Mais qu'est-ce que font les autres ? Les Chinois, ils vont développer l'anthropologie à leur manière. Alors le problème, c'est de savoir si c'est comme en mathématiques. Regardez bien. Les mathématiciens, dans un congrès mondial, un Chinois et un Français, c'est des mathématiciens. Maintenant, l'interprétation des cultures... Alors, c'est là que le noyau dur, quand je vous dis, il y a un système matrilinéaire, il y a un système... Le noyau dur, il faut s'entendre que, est-ce qu'il y en a ou pas ? Parce que ça ne peut pas être une question qu'on est chinois ou qu'on n'est pas chinois. Soit le système est matrilinéaire, il a sa logique qui pèse sur les individus pour agir, ou il n'existe pas. Donc, il faut s'entendre qu'on soit chinois ou pas chinois. Il faut donc qu'il y ait des éléments communs, universels, qui est des résultats scientifiques communs, partagés. Sinon, le type, il va dire n'importe quoi. Et moi, je suis chinois, je parle chinois, je connais ça mieux que vous de l'intérieur. Oui, mais attention, on décrit un système d'héritage, par exemple. Il y a des règles. Les gens, ils ne font pas hériter leurs enfants n'importe comment. Surtout si les voisins ne sont pas d'accord ou les parents ne sont pas d'accord. Il faut bien qu'il y ait des règles. Sinon, il y aurait des désaccords terribles. Donc, on doit s'entendre sur des résultats objectifs. Il faut prononcer le mot. Je ne dis pas qu'en même temps, un gars qui est chinois va avoir une perception formidable que moi je n'aurais pas, parce que je n'aurais pas la maîtrise de la langue et pas une sensibilité d'éducation. Mais parfois je vois moi des choses que le type ne va pas voir. Hein. Je peux voir des choses que quelqu'un ne va pas voir, parce qu'on est justement outsider quelque part. Donc c'est toujours la distance le problème. La distance paye. Quelle distance est la plus payante, c'est le problème. Mais la distance paye. On ne peut pas avoir le nez dans la confiture tout le temps et penser qu'on la comprend. Ce n'est pas possible. On avale la confiture qu'on a le nez dedans. Hein. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas à dire que les anthropologues sont des observateurs étrangers. Ils sont à distance. Ils sont étrangers s'ils viennent d'une autre société. Mais moi, si je vais, par exemple, dans le Midi, vous savez ce que je pense des gens du Midi. Donc... je suis un étranger. Donc, je vais quand même arrêter mes préjugés sur les gens du Midi qui parlent comme ça et qui ne sont pas fiables. N'est-ce pas ? Non, mais j'espère, mais que mes provocations étant des provocations tout à fait idéologiques et ethniques, je mérite un conflit des communautés, n'est-ce pas ? Mais prends une discipline comme la linguistique, où lorsque les gens ont commencé à faire des analyses linguistiques de leur propre langue. les modèles qu'on leur donnait, évidemment, éclataient de partout. Et les réductions, une certaine hypothèse générale, généraliste en général, données sur les autres langues, ça a commencé d'ailleurs quand les Espagnols ont débarqué en Amérique. On a commencé à avoir des grammaires qui étaient beaucoup plus complexes que les grammaires qui venaient de nos langues, simplement parce que il y a des gens qui se sont rendus compte que les systèmes n'étaient pas les mêmes. Les langues n'étaient pas pareilles. Et à partir de ce moment-là, il y a eu déjà une distance qui s'est, je dirais, beaucoup plus généralisée dans les 20 ou 30 dernières années, où on a formé des gens avec les méthodes qu'on a, mais eux, ils avaient leur langue, ils disaient non, ça ne marche pas. Et ce qui était oui, il y a eu des progrès énormes. Oui, il y a eu cette espèce d'échange et même, qui est de prendre et de refuser et de construire des et distances. Puis cette découverte à partir du XVIIIe siècle des langues indo-européennes. D'avoir été en Inde, d'avoir découvert que ces langues étaient... Il y a beaucoup de langues, il y a 173 langues, paraît-il, en Inde, dont deux sont assez générales. L'hindi, et dans le nord, vous avez l'ourdou, il y en a une troisième encore, qui sont là pour des millions de gens, mais localement, il y en a d'autres de langues. Donc les gens sont toujours polyglottes, quand même. Il n'y a que les Français qui parlent qu'une seule langue, les Anglais surtout. Les Américains, ça, ils ne parlent qu'une langue, là. Mais les Français, c'était pareil autrefois. Dès que vous êtes dans une position un peu impériale, vous ne parlez que votre langue. Bon, c'est pas possible. Mais donc, quand les types ont découvert, sur le terrain, des liens qu'il pouvait y avoir entre le latin et une langue de l'Inde, bon, c'était formidable. Et l'idée que c'était des... qu'il y avait Et c'est vérifié. Après, on a fait des blocs de langues. On a découvert les langues altaïques, turco-altaïques, etc. Donc, on a commencé à avoir des familles de langues et des reconstructions. Et ça, on ne peut pas aller contre cela. On ne peut pas dire que... J'ai discuté ce matin dans l'avion avec une grecque qui m'a expliqué, c'était de temps en temps comme ça... C'était en grec, hein, donc ce matin, j'ai fait des efforts énormes. J'ai fait des efforts énormes. Très contente que je parle un peu, qu'elle me parlait grec. Et après, elle m'expliquait la grandeur de la Grèce. Ah, j'ai dit très bien. Alors, elle m'expliquait que... Est-ce que vous savez que le latin, c'est venu de la Grèce, c'est une langue grecque. Ah bon, je dis ça, c'est très bien. En grec, elle me dit ça, oui, oui. Oui, oui, le latin, vous savez, c'était... ça s'est développé au petit point de la Grèce dans le B, Evvia, et dans un petit village qui s'appelle, il faudra que je vérifie sur la page, qui s'appelle, je pense que j'ai compris, Koumi, ou Koumi. Alors je lui dis, mais attends, c'est à côté de. J'avais un peu la carte. Non, c'est pas là, bon, donc j'ai pas trouvé. Puis elle m'explique que petit à petit, cette langue développée dans ce village, dans la haute antiquité, c'était arrivé petit à petit jusque en Italie, et les Italiens avaient appris à parler à partir de ce village grec. Bon, non, c'était bien parce que ce matin, j'ai fait du grec et en même temps, j'ai fait de l'idéologie très forte, très, très forte. Après, elle me dit, mais alors, est-ce que vous croyez vraiment que l'humanité est d'un poisson? Si, elle me dit ce que disent les savants, parce que je lui ai dit que c'était un anthropophage, tout ça, un anthropologue du moins. Donc elle me dit, mais est-ce que vous pensez alors que les hommes sont sortis, paraît-il, d'un ancêtre qui serait un poisson, qui serait sorti de l'eau, et que nous serions donc des transformations d'un poisson? Ben, je dis, oui, c'est possible. Je dis, c'est très longtemps, ça. Très longtemps. Moi, je ne suis pas contre. Je dis, je peux sortir de la poisson. Il y a très longtemps, je dis. Oui, mais elle me dit, mais vous comprenez maintenant pourquoi les Noirs ne sont pas cultivés? Ben, je dis, oui, pourquoi les Noirs ne sont pas cultivés? Parce que moi, là-bas, je fais de la conversation mondaine avec ma voisine. Ils ont un tout petit cerveau comme ça. Ils ont un tout petit cerveau. Donc, elle m'a expliqué tout ce matin que Le grec avait donné la langue latine. Pratiquement, le grec avait tout donné au monde. Il avait une cinquantaine d'années, elle était sympathique comme tout. Et à chaque fois que l'avion bougeait, elle se signait. Parce que... Donc, c'était... on était déjà en Méditerranée. Où... Mais elle faisait le signe de croix orthodoxe, hein, qui n'est pas le mien. Moi, je suis catholique d'origine, comme vous le savez. Et donc, je ne pratiquerai pas le signe de croix. Mais ça m'a fait faire du grec. Ça m'a fait faire du grec. Et en plus, j'ai eu beaucoup de bonnes histoires. J'ai dit, putain, où on en est là? Et si vous voulez, j'ai fait d'ethnologie de terrain là, parce que quand même, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Et après, je ne sais pas, on a parlé un peu de... Alors, je ne pouvais pas m'amuser à dire des bêtises, que les Bulgares, c'est à peine différent des Grecs, que le fromage râpé avait pris la place de la feta, parce que là, je ne sais pas. Elle m'aurait dit que non, c'est les Grecs qui ont inventé et le fromage râpé et la feta, mais on leur a donné le fromage râpé parce que c'est les Grecs qui apportent la civilisation. C'était la même chose, finalement, sous forme un peu bébête, c'était la même forme que nous apportons à la civilisation, mais les Grecs ont apporté au monde entier la civilisation. Hein. Et d'ailleurs, elle m'a dit, vous parlez grec. Je dis, non, je parle français. Non, mais la moitié des mots français sont grecs. Je dis, bien sûr. Ça, je lui dis, mais c'est pour ça que j'ai eu la discussion. Je dis, mais l'autre moitié, c'est du latin. Mais le latin, c'est grec. C'est là que j'ai eu l'histoire. Quand je lui ai dit que je parlais une langue qui était un mélange bâtard de grec et de latin, c'est là que j'ai eu cette histoire merveilleuse que le latin est sorti d'une petite ville, un village que je... J'ai téléphoné à ma femme en Grèce tout à l'heure pour savoir où était le village de Koumi en FBI. Donc on va regarder sur la carte si ça existe, parce que peut-être ça n'existe pas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai fait de l'anthropologie de terrain, assise à je ne sais pas combien, et côte à côte... siège à côté d'un autre siège, j'ai fait l'anthropologie spontanée, comme ça. Et puis en plus, je pratiquais du grec, parce qu'elle m'a dit, puisque vous avez commencé à apprendre, je vais vous apprendre le grec. Donc... Et elle m'a dit, finalement, vous avez eu 1h30 de cours de grec. Donc c'est une femme qui était pleine d'idées. Elle me faisait gratuitement une heure de cours, et elle m'apprenait les beautés de la civilisation grecque. Donc je veux dire, j'ai eu de la chance quand même, j'ai fait un voyage remarquable. Donc, vous voyez un peu maintenant, quand même, revenons à ce qu'on a fait aujourd'hui. Prenez bien ces thèmes, réflexivité, multivocabilité, l'échec total. L'échec total, c'est toujours un anthropologue qui choisit les citations des informateurs. Vous voyez la responsabilité. C'est toujours l'anthropologue qui prend dans ses carnets de notes la phrase qui va illustrer son analyse. Donc, ce qu'on demande d'ailleurs, souvent dans les thèses de troisième cycle, ce qu'on demandait aux étudiants, ça ne veut pas dire que Codoli l'ait fait lui-même, hein, mais bon, les étudiants sont là pour travailler, pas moi. Hein. Donc, on demandait toujours, quand vous avez cité un informateur, une informatrice, 5-6 lignes, mettez en annexe l'interview complet que vous avez transcrit, pour savoir de quel contexte. Voilà, donc voilà aussi une précaution déontologique. Donc, si vous voulez, ce qui est très important de tout cela, c'est que notre tâche pour faire notre métier, quelles que soient les sciences sociales, c'est pour ça que c'est pas ce que je vous dis sur l'anthropologie est vrai pour toutes les sciences sociales, c'est de construire un moi cognitif. Vous apercevez que ce moi cognitif, c'est un moi éthique. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue historien, j'ai une déontologie. C'est-à-dire j'ai une responsabilité de ce que je vais dire, écrire sur l'autre. Je dois fournir des preuves. Je dois en même temps dire ce que j'ai vu. Peut-être même apprécier avec un jugement. Donc, le moi cognitif n'est pas seulement un moi intellectuel, c'est un moi éthique. Et en plus, comme l'anthropologue vient d'une autre société ou d'une autre partie de la société, et qu'il va publier les autres dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, ou bien il y a 20 ans quand j'ai publié mes premiers livres, ou 30 ans, je ne sais pas, c'est politique. Je suis tout à fait d'accord que le moi scientifique est un moi politique. Quand je publie sur les autres, dans un certain contexte, dans mon pays. Ça concerne, je suis dans un pays qui a une histoire, qui a une histoire dominante dans l'histoire mondiale pendant quelques siècles, etc. Donc ce que j'écris n'est pas simplement un discours scientifique, c'est un discours qui se place dans un contexte politique. Donc un moi cognitif, et beaucoup par exemple d'anthropologues américains, je pense à des gens comme Henrietta Moore, tout ça, qui sont tout à fait d'accord sur ces critiques à faire, ces points de départ critiques, cette réflexivité constante qu'il faut avoir sur soi. Elle est tout à fait d'accord d'ailleurs sur le fait que tout discours anthropologique est politique. Tout discours anthropologique est politique d'un certain point de vue. Vous appréciez une autre société, vous-même, votre société qui est derrière vous, vous vous en distanciez peut-être. C'est toujours un enjeu qui a un sens dans un contexte. Ça peut être toujours réutilisé dans un contexte. Pas simplement de ne pas parler d'autrui de telle sorte que une nuisance soit commise. C'est très important quand même. Si vous commencez par... Vous n'êtes pas là pour dénoncer quelque chose ou des individus. Vous êtes là pour analyser des pratiques et peut-être les critiquer. Parce que, si vous voulez, les anthropologues... vont vous faire, comme Godelier par exemple, un très beau exposé pendant 3 pages sur le cannibalisme des Barouillas. Je vous en ai déjà parlé, et j'ai vu que vous étiez très content, vous léchiez les babines, vous étiez très heureux de toutes ces descriptions affriolantes, comment mange-t-on les autres chez les Barouillas. On n'accepterait pas ça, Godelier, dans sa société. Manger mon voisin... Peut-être mentalement, j'en dévore quelques-uns, mais manger physiquement la chair de mes collègues, par exemple, surtout ceux que je n'aime pas, ce n'est pas forcément. Quoi. Les tuer pour les manger, ce n'est pas ça. Donc, si vous voulez, ce que disent beaucoup d'anthropologues, qui, alors, ne sont pas du tout postmodernistes, mais c'est les autres qui disent, les anthropologues jouent constamment le relativisme « valueless ». Sans jugement de valeur. Oui, on ne peut pas faire de science si on commence par un jugement de valeur. Marx disait ceci, il y avait une phrase que les marxistes avaient complètement oubliée, celui qui commence par juger ne peut pas travailler, parce que ce n'est pas possible. Il faut d'abord comprendre avant de juger, ça c'est évident. Mais est-ce que vous devez vous interrompre? Moi je me souviens quand j'ai joué ma ruse, je vous ai expliqué la ruse que j'avais faite quand... Je savais que les gens, les Barouillas étaient cannibales. Mais personne ne me l'avait dit. Or, la déontologie, c'est que... moi, en tant qu'anthropologue, je ne peux pas écrire dans un livre sur les Barouillas, ils sont cannibales, si je n'ai pas eu une discussion avec eux et ils ont dit d'accord, on l'était. Donc, plusieurs missionnaires, un militaire m'avait dit, tu sais, c'est des cannibales... Ok. Donc moi, pendant plusieurs années, j'ai blagué avec eux, j'ai jamais eu de réponse. Et un jour, j'ai donc, comme je vous ai expliqué, profité quand même d'une situation de vieux Etchehangé, donc le plus vieux du clan des Etché, qui voulait voir un blanc. Enfin, il ne pouvait pas le voir parce qu'il était aveugle. Donc il est venu de son village, qui était à 7-8 kilomètres, Nungwasan, il est monté avec 2 jeunes guerriers pour voir Maurice Borisello. Pour voir, c'est impossible, mais pour me toucher, pour toucher un blanc, quoi, parce qu'il n'avait jamais vu. Enfin, il était vraiment aveugle. Et donc, il est venu... J'ai retiré mes lunettes pour qu'il puisse me toucher le visage, parce que je lui ai dit, je vais lui faire un choc, un trauma. Là. Il va découvrir que le visage d'un blanc, il y a du bois au-dessus ou du fer. Donc j'ai retiré les lunettes, il a commencé à me toucher partout. Bon. Puis après, on a commencé à discuter sur les Etchés. Donc je lui ai posé la question. Et un anthropologue il n'est pas là pour s'amuser quand même. Donc, à un moment, j'ai posé abruptement la question, Etche Angé, est-ce que tu as mangé de l'homme? Alors qu'on parlait d'autre chose, mais un gondolier pense toujours, c'est un peu rusé quand même, non? Hein? L'occasion était magnifique, un type qui n'avait jamais vu de blanc, et on discutait, si on peut dire, au coin du feu. Et aussitôt, quand j'ai posé cette question, les deux jeunes qui étaient là ont dit, mais vraiment, ils ont touché le vieux. Moi, j'étais là, il y avait un jeune qui était là, et Etche Angé devait être devant moi et l'autre. J'avais une table, ils sont crispés. Et lui, il avait dit, mais oui. Alors, quand les jeunes ont vu que j'étais complètement indifférent, volontairement, hein, parce que nous sommes des grands comédiantes, non? J'étais complètement indifférent à ce type qui m'a dit oui. Bon, ils se sont calmés. Puis ils savaient qu'avec Godelier, je n'allais pas aller dire ça au missionnaire, hein, bon. Ni à l'officier. Et après, on a eu une conversation qu'un Anglais dirait charming, n'est-ce pas? Les Anglais ont toujours des formules un peu bizarres. Charming conversation, non? On a discuté comment on mange et tout ça. Bon, alors je suis arrivé, donc il m'a dit qu'il avait, bien sûr, qu'il avait mangé tout ça. Et je suis arrivé avec mes gros sabots de théoricien. Hein. J'avais lu dans les livres que les gens, le cannibalisme, c'était pour absorber le mana, la force. Donc j'ai commencé. Alors dis-moi, Etche Angé, donc tu mangeais bien les guerriers et tout? Oui, bien sûr, on mangeait les guerriers, oui. Est-ce que tu mangeais les femmes? Ah oui, on mangeait les femmes. Ah bon? Putain. Et à un moment, il me dit, et tu sais, Mauricello, ah, j'ai mangé un bébé un jour, c'était merveilleux. Donc j'ai vu que ma théorie, absorption des forces magiques d'autrui, oui, mais il m'a dit une chose très juste, c'est que c'est bon à manger, c'est tout. Suite. Bon, et donc il trouvait que c'était bon, quoi. Et alors, c'est là que, après, quand j'ai discuté avec des amazonistes, des spécialistes d'Amazon, hein, comme Viveros de Castro et tout ça, ils m'ont dit que dans les langues amazoniennes, on distingue la viande du gibier et la viande humaine. Et il y a un mot spécial pour dire viande humaine. Et elle est entourée de... Ce mot signifie beaucoup pour eux, c'est une très, très bonne chose, quoi, c'est tout. Donc c'est pas seulement des rapports magico-religieux, c'est aussi, c'est bon à manger. D'ailleurs après, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils mangeaient. Il m'a dit qu'il adorait les doigts. Moi, j'ai dit, moi aussi, chez nous, on aime beaucoup les pieds de cochon. C'est vrai, quand vous mangez les pieds de cochon, vous avez tous ces os, tout ça, c'est agréable. Donc il m'a expliqué que lui, il mangeait bien les doigts, c'était très bon. Et aussi que, comme il tuait beaucoup de... Les ennemis, il les tuait. Bon, ils pouvaient pas transporter les cadavres dans la montagne et tout pendant longtemps. Donc ils coupaient les bras et les jambes. Et ils partaient avec un bras, une jambe, et ils faisaient... quand ils arrivaient, ils faisaient cuire au four de terre... Mais ils ne mangeaient pas le reste, sauf le foie, m'ont-ils dit. Et après j'ai découvert en effet que... Avant même, j'avais découvert que dans les initiations, les jeunes ne savaient pas qu'ils mangeaient du foie. Et donc on tuait un animal très ancien, très, très sauvage, les jeunes guerriers. Et pour les petits qui venaient arriver, là, on sortait le foie de cet animal, jata, et on coupait en fines lamelles, et on introduisait dans des morceaux de taro, pas de patate douce, mais de taro, la plante la plus ancienne, ancestrale, et les jeunes ne savaient pas qu'ils mangeaient ça. Ils mangeaient du foie cru. Or, après, j'ai appris que bien, quand il sacrifiait un prisonnier, la dernière opération, quand sacrifier un prisonnier, c'était lui ouvrir le ventre et l'arracher le foie. Et, mais pas forcément de le distribuer pour le manger, mais de l'arracher le foie. Tandis que pour les gibiers, on donne le foie aux jeunes initiés, pas aux femmes. Alors, il faut chercher pourquoi. C'est là que vous voyez qu'on ne peut pas opposer rapports sociaux et signification des rapports sociaux. Pourquoi ? Parce que pour eux, le foie, c'est plein de sang. Et donc, c'est pour eux l'organe de la force. Parce que quand ils tuent quelqu'un, un animal ou un homme, un être humain, je veux dire, c'est cette partie-là qui est gorgée de sang. Et pour eux, c'est la force. Alors moi, j'aurais demandé, mais dites-moi, puisqu'ils connaissent, le cœur, là, ça ne les intéresse pas tellement. Ils ne sont pas tellement intéressés par la pompe. Pour eux, c'était le foie. Et d'ailleurs, après, j'ai appris que quand ils ont des jumeaux, eh bien, la logique, vous voyez, c'est pour ça, si vous ne connaissez pas vraiment, si je peux expliquer aux Américains que quand on est sur le terrain, on ne sait pas d'avance ce qu'on va trouver. Hein, parce que comment aurais-je pu comprendre que quand les femmes m'ont expliqué, quand elles ont des jumeaux, elles tuent toujours le premier qui sort. Bon, pourquoi ? Elles m'ont expliqué. Parce que le deuxième est à côté du foie. C'est une explication. Le deuxième était plus près du foie, donc plus près du centre de la force. Donc, elles m'ont donné une raison. Deuxième raison, on n'est pas comme vous, les blanches ne foutent rien. Vous, les femmes... Chez vous, d'après ce qu'on a vu, achète des boîtes de conserve. Tandis que nous, on ne peut pas porter deux enfants tout petits et en plus en avoir trois dans les pattes pour aller travailler dans les champs. Bon, c'est une explication rationnelle qui s'ajoutait à une explication, on dirait, idéologique. Mais si maintenant vous êtes en Afrique, dans toute une région d'Afrique, le Gabon et tout ça, les femmes qui ont des jumeaux, c'est les maîtresses du lieu, elles deviennent les femmes les plus importantes du village. Parce que les jumeaux, ça veut dire des ancêtres, ça veut dire etc. C'est très compliqué. Donc on ne peut pas savoir d'avance, on ne peut pas déduire la signification, si vous voulez. Et après, vous trouvez des enchaînements qui me sont arrivés comme ça. Le foie, le foie du guerrier, etc. Ben, ça, vous ne pouvez pas le déduire. Hein. Il faut qu'il vous l'explique. Et les connexions sont culturelles. Donc c'est pour ça qu'opposer, comme on fait pendant trop longtemps, anthropologie sociale en Europe et anthropologie culturelle aux États-Unis, ça me semble absurde. C'est une bataille qui a duré 30 ans, 40 ans. Elle, à mes yeux, elle est dépassée. Elle est dépassée, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir de rapport entre deux personnes qui n'ait un sens pour ces personnes. Donc... Le culturel est dans le rapport. Et il est une des conditions du rapport. En tout cas, il est inséparable du rapport. Donc, avoir séparé d'un côté anthropologie sociale, l'étude des rapports sociaux et des structures, et de l'autre côté anthropologie culturelle, étude des significations et des symboles, c'est absurde. C'est une division. Mais d'un côté, c'est Boas, hein, le grand fondateur, et de l'autre côté, c'est... Alors, on appelle l'anthropologie sociale... L'anthropologie européenne, on s'est dépassé tout ça. Et on classait les deux écoles, l'école anthropologie sociale anglaise structuralo-fonctionnaliste et l'école d'anthropologie sociale, regardez la chaire de Lévi-Strauss, ça s'appelle pas ethnologie, mais socio-anthropologie, l'anthropologie sociale, c'était volontaire ça. La chaire au Collège de France, c'est pas appelé ethnologie. L'anthropologie sociale et si c'est français, c'était structuraliste. Et avec, après, structuralo-marxiste. Parce que c'était quand même la production française par excellence. Le structuralisme et le structuralo-marxisme. Et de l'autre côté, en Angleterre, c'était le structuralo-fonctionnalisme. Et après, en Amérique, c'était avant tout, jusqu'à 1960 à peu près, c'était massivement l'anthropologie culturelle. Et maintenant, je pense que ces divisions sont dépassées. Pour ceux qui pratiquent encore l'anthropologie, pour les autres qui détruisent l'anthropologie, c'est autre chose. Mais pour des gens comme moi, Je ne vois pas comment je pourrais opposer l'analyse des significations et l'analyse des rapports qui portent ces significations. Je ne peux pas. On ne peut pas le faire, quoi.